Galates chapitre 4. Or je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis sous les rudiments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, et que nous reçussions l'adoption des enfants. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, « Abba », c'est-à-dire, « Père ». Maintenant donc tu n'es plus serviteur, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Mais lorsque vous ne connaissiez point Dieu, vous serviez ceux qui de leur nature ne sont point Dieu. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments, auxquels vous voulez encore vous asservir comme auparavant? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain parmi vous. Soyez comme moi, car je suis aussi comme vous, je vous en prie, mes frères. Vous ne m'avez fait aucun tort. Et vous savez comment je vous ai si devant évangélisé dans l'infirmité de la chair. Et vous n'avez point méprisé, ni rejeté mon épreuve, telle qu'elle était en ma chair, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, et comme Jésus-Christ même. Quelle était donc la déclaration que vous faisiez de votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, s'il eût été possible, vous eussiez arraché vos yeux, et vous me les eussiez donnés. Suis-je donc devenu votre ennemi, en vous disant la vérité? Ils sont jaloux de vous, mais ce n'est pas comme il faut, au contraire, ils vous veulent exclure, afin que vous soyez jaloux d'eux. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et de ne l'être pas seulement quand je suis présent avec vous. Mes petits enfants, pour lesquels enfant et je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant avec vous, et changer de langage, car je suis en perplexité sur votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante, et l'autre de la femme libre. Mais celui qui était de la servante, naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre, naquit par la promesse. Or ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du monde Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie, et correspondant à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, et c'est la mère de nous tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point, efforce-toi, épouse des cris, toi qui n'étais point en travail d'enfant, car il y a beaucoup plus d'enfants de celles qui avaient été laissées, que de celles qui avaient un mari. Or, pour nous, mes frères, nous sommes enfants de la promesse, ainsi qu'Isaac. Mais comme alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Or, mes frères, nous ne sommes point enfants de la servante, mais de la femme libre.